بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما كنا فيه من ذكر هذه القواعد الخلفية، واليوم نأخذ قاعدة جديدة من قواعد القوم أهل الضلال والانحراف، وهي ما يسمى بالموازنات، قاعدة الموازنات. الموازنات هي ميزان أو توزن الشيء، أي تلبز. فالعلماء ردوا على هذه القاعدة اللي هو قاعدة الموازنات، وهي أنه إذا ذكر ما عند المخالف للحق من أخطاء فيجب عند ذلك ذكر حسناته من باب العدل والإنصاف زعموا. هذه القاعدة قاعدة الموازنات، أي إذا ذكر ما عند المخالف للحق من أخطاء، si comme ils prétendent هؤلاء qu'ils ont instauré cette règle باطلة، أنه si tu dis مثلا المغراوي c'est un تكفيري، c'est un ضال، il s'est trompé dans كذا، en parallèle, عندهم, tu dois citer ses qualités. Anahu, il connaît le Coran par cœur. Anahu, ça fait 50 ans, il fait de da'wah. Anahu, il a fait du khayr dans tel pays. Anahu. عندهم, tu dois citer, en parallèle des fautes, tu dois citer ses qualités. C'est ça le muwazanat. Comme une balance. D'un côté, on met ses fautes, de l'autre côté, on met ses hasanat. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé al-muwazanat. ويزعمون أن هذا من باب الإنصاف والعدل. إيديس تدوي جست. ألا لا غرابيتي الآن. وهنا كثير من الناس لا يتنبهون، لأن كثير من الناس يغترون بزخارف الأقوال. فأهل البدع الآن يتدين نعم. تسيت سفوت. يسيت خمبي. لكن سوى جست. سيت سكاليتي. سيت سحسنات. فمسلمي في الصلاة لا في الحج. فكثير من الناس à partir d'ici ils savent plus différencier entre le haq et le batil. On revient comme on a dit hier, ahl al-batil souvent le début c'est haq ce qui cite. Ay idha dhukira ma 'inda al-mukhalif lil haq min al-akhta. Naam. Tu cites ces erreurs, ils sont d'accord jusqu'à là. Lakin ils ont inventé cette règle, ay tu cites en même temps ou en parallèle ces hasanat. Fa fil haqiqa si tu cites ces hasanat, tu fais tomber le rad. Le rad, il n'a plus aucune valeur. Alors je te dis, واحد, il a fait une bid'a. Je te mets au garde. Thomas, je te dis, lakin, il est tayyib, il connaît le Coran par cœur, il a fait le hajj, il fait le salat. Il se comporte bien. C'est une personne généreuse. Voilà, tu vas oublier la bid'a. Tu vas oublier la bid'a, voilà, chaque. Fahada, al-insan yentabe. أن هذه قاعدة من قواعد أهل الضلال. واسمع إلى كلام أهل العلم. قال الإمام محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله، هذه طريقة أو هذه طريقة المبتدعة. إمام رحمه الله il ont cité cette règle, il a dit هذه طريقة المبتدعة. Ça c'est la voie des innovateurs, c'est pas la voie d'أهل السنة. قال رحمه الله حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح وعالم وفقيه يقول عند ذلك سيء الحظ، هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه؟ هذا سبب معروف عند المحدثين. مثلا المحدثين يقولون فلان إلى سيء الحظ، سنجرح عند أهل العلم، أي سنكريتيك il a une mauvaise mémorisation, il délaisse son hadith. Est-ce que via Abdelhal, ils ont dit Lakin, c'est un musulman, c'est une personne pieuse, il fait le salat, il a fait le hajj? Abadan. Abadan. Wa qala al-imam al-allama al-faqih, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, qala indama nuhadhir min khata shakhs, indama nuhadhir من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط. C'est ça منهج السلف. الآن il faut bien comprendre أن نحن on est dans des قواعد qui contredisent الجرح والتعديل. Ça veut pas dire que أهل الرداء ils ont pas de حسنات أبدا. Si c'est un مسلم il a une حسنات عظيمة, c'est التوحيد. Et il fait الصلاة et il fait الحج. لكن il faut bien comprendre أن لكل مقام مقال. أن الآن nous on parle في باب الرد. في باب الرد. Cheikh Ibn Taymiyyah, il te montre que dans cette situation, dès que tu mets en garde contre un innovateur, tu n'as pas besoin de citer ses hasanat. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de hasanat. C'est ma'rouf عند الناس, حتى في الدنيا. Ton voisin, il fait du bruit, مثلاً. La nuit, il ne laisse pas dormir tes enfants, il ne laisse pas dormir ta famille. Un tas, tu te plains. Tu te plains, مثلاً, vers un responsable. Tu lui dis, Foulal, il nous fait des problèmes. La nuit, il a après. Est-ce que dans ce cas-là, tu vas dire, Lakin, il est très, très gentil, il a un bon comportement, il me passe le salam tous les jours. Est-ce que tu vas citer ça? Il n'y a aucune hajj. Un tas, t'es venu te plaindre. Enfin, tu dis, Foulan, il fait du bruit, à telle heure, et ce responsable, il va le voir et il essaye de le résoudre. C'est ça, les choses. Ça avance les choses. Enfin, ma balouk fi dinillah. Enfin, le but, puis, jarhi ahli al-ahwa, c'est de préserver les musulmans de leur mal, de leur char, de leur bid'a. Amma un ami, tu lui cites Foulan, c'est un mubtadi'. Thomas, tu lui cites Saint Saleh. Il aime bien le khayr. Il a fait le hajj, il fait le salat. Il est généreux. Qui c'est qui t'a garanti un ami va prendre, il va faire attention à la bid'a? Là, ça y est, avec tout ce que tu as cité comme hasanat. Enfin, c'est pas min al-hikma, abadan. Abadan. C'est pour ça que c'était pas ma'rouf. Inda ulama al-salaf. عندما نحذر من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط لأن المقام مقام تحذير هذا لأن الآن تي دون سيتواسيون او تو مي اون غارد كيف تو مي اون غارد توما تو سيت سي كاليتي سا روت با في العقل فضلا كو سا في بارتي دو منهج الأنبياء ومنهج السلف قال ومقام التحذير ليس من الحكمة في أن نذكر المحاسن لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا فلكل مقام مقال. نعم الشيخ ابن تيميه يقول هذا لا يعتبر من الساجس. أما أنت الآن تريد أن تضع في garde وفي نفس الوقت tu complimentes cette personne. La personne en face de toi, il va plus savoir qu'est-ce que tu dis. Il le critique tout le monde, il parle bien de lui. Enfin, est-ce que je le délaisse? هذا المقام مقام التحذير والرد. C'est un maqam de bayan et de nasiha. Anta, tu conseilles sur la chose. Fais attention à la somme. Voilà, chacun nasi, il fait salat, il fait salat. On ne va pas démentir. On ne va pas dire là, ça m'a peut-être dit, il fait plus salat. Eh ben, لكن لكل مقام مقال. وسئل كذلك شيخ ابن تيمين هل من العدل والإنصاف عند النصيحة والتحذير من البدع وأهلها أن نذكر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. Il demande à Cheikh Ibn Taymiyyah, est-ce que le fait de critiquer une personne et citer ses bidats, citer son égarement, est-ce que ça fait partie de la justice de citer ses qualités? Il fait le salat, il a fait le hajj. Est-ce que ça fait partie de l'adl ou l'insaf? Être juste? قال Cheikh Ibn Taymiyyah, أقول لك لا لا لا هذا غلط. نعم هذا غلط. Ça c'est un telbis et ça te montre makrah les bidats. وفي الحقيقة المبتدع المنحرف il a inventé cette qaïda illa pour protéger al-mubtadi'a faqat, illa pour le protéger. Lanna il sait que si tu cites ses défauts après tu cites ses qualités, les gens ils vont retenir les qualités. Il le sait, ouais. Et il le sait que si tu cites les qualités, le rad il aura plus le même impact abadan. Et c'est ce qu'ils veulent hum. Hatta anta, si tu viens et tu lui dis matalan al-maghraoui c'est un takfiri, il va dire na'am na'am, lakin t'as pas entendu Cheikh Foulan qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est un takfiri, lakin il fait salat, il a fait da'wa, il aime bien le khair, il aime bien kada. Ah, khalas, il faiblit ton rab et ton tahdir. Et anta, tu faiblis avec cette qaïda. Al-hadar, al-hadar. Cette qaïda, elle n'était pas connue عند السلف الصالح. Abadan. Abadan. Cette qaïda, ils l'ont inventée في هذا الزمان. في هذا الزمان, ou ils l'ont fait revivre في هذا الزمان pour protéger أهل البدعة. Fakat. وقال الشيخ صالح ابن محمد الحيدان حفظه الله تعالى من علماء أهل السنة في المملكة حفظه الله قال وهل كانت قريش il va répondre à cette قاعدة باطلة قال وهل كانت قريش في الجاهلية وإمة الشرك لا حسنة لأحدهم الآن هو il va prouver أن حتى في القرآن Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre Kuffar Quraysh. Il n'a pas cité une hasana de quiconque. La chèque, anna ba'adahum, ils avaient des hasanat. Ils faisaient le khayr. Hada, il aidait les pauvres. Hada, il n'aimait pas mentir. Hada. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, fil Coran, ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cité hada? Abadan, ils ont mis en garde contre le kuffar ou le shirk. L'an al maqam, c'est un maqam de bayan. فينتبه لهذا قال الشيخ صالح هل جاء في القرآن ذكر حسنة من حسناتهم ليست المسألة مسألة تعداد المحاسن والمساوي وإنما المسألة إنما مسألة التحذير من خطر هذا الموقف الصحيح أنه نبقى لبسطة فلهذا تتخوف dans la biographie c'est autre chose maintenant la biographie tu cites la vie de la personne si c'est un mubtadi' tu mets en garde لكن si il a fait le hajj en 1420 on dit il a fait le hajj en 1420 on va pas dire là c'est pas vrai il a pas fait le hajj c'est une biographie amma fi maqam at-tahdhir c'est pas la même chose on n'est pas là pour citer ses qualités il a fait là on est là pour mettre en garde on redonne un exemple fi dunya t'as un voisin voleur c'est un musulman لكن بتولي بالسرقه c'est un voleur tes voisins, il veut ton khayr, il vient et il te prévient. Il te dit, akhi, fais attention, Fulan c'est un voleur. Est-ce qu'il est obligé de te dire, mais c'est un musulman, il fait le salat, il fait le hajj, il a fait qiyam al-layl, il a fait gala. Abadan, ça c'est pas, ça me regarde pas, Anna, il m'a mis en garde, je fais attention, c'est un voleur. هذا فعجبا لأهل الباطل والمصيبة أن بعض الناس يغترون مصيبة أن بعض الناس يصدون ناس وسياسة عجيبة غفلة سحيقة أنه يغتر يدي نعم صفي بارتي لاجستيس صفي بارتي دول بدعة صفي بارتي لاجستيس صفي بارتي دول بدعة أي celui qui conditionne comme il cite comme condition Anna, si tu le critiques, tu dois citer ses qualités. هذا c'est من البدعة, c'est pas من العدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. قال, on finit la parole de Cheikh Salih Al-Haydan. قال وإذا أراد الإنسان أن ينظر فلينظر إلى أقوال الأئمة كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة. تأمل الآن استفتوا في الحقيقة المبنية على علم. Si tu médites, Cheikh Al-Haydan, awwalan, il t'a montré dans le Coran et le Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sunna, ils ont mis en garde contre les Yahoud, contre les Nasara, et ils nous ont pas cité Hassanat. Thumma, Cheikh Al-Haydan, il te montre un si tu veux comprendre cette mas'ala, reviens au Salaf. حقيقة استفتوا الآن إلى بعض زون القرآن والسنة إفهم السلف هكذا أهل العلم توجور يتمي عن يابك السلف فالآن هو رحم حفظه الله الشيخ الحيدان يقول الآن أنت اتجي لا بوزيسيون دو الإمام أحمد إمام أهل السنة يحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة من أئمة الجرح والتعديل من أئمة الحديث قال كانوا إذا سئل أحدهم عن شخص مجروح قال كذاب صحيح كم تشوفوا في كتب الجرح والتعديل يدمد الشعبة مثلا ما رأيك عن فلان يدي سان كذاب خطوصا مسلم في الحج في الصلاة ربما سانهم جينيغو لكن سان كذاب إمو فتو بو با لو فير كونفيونس في الحديث فالشعبة مثلا يغجت الحديث يدي سان كذاب خوني با دلوي اسكو سا فو دير كو سان كافر إلى أوكين حسنات أبدا قال لكنه كريم الأخلاق نعم قال كذاب Il disait jamais لكنه كريم الأخلاق لكنه في الصلاة لكنه إلى في الصيام أبدا c'est un maqam تحذير c'est une situation où tu dois conseiller enfin tu conseilles attention c'est un كذاب écoute pas tout ce qu'il dit أما tu dis c'est un كذاب أما tu cites toute sa vie il a fait le hajj il a fait le صيام il a fait كذا وكذا ta نصيحة et ta mise en garde elle va faiblir et c'est une porte d'égarement les أن السلف ils faisaient pas comme ça الشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله ليس من العدل ذكر المحاسن عند الرد بل إن قال بل إن من رد على شخص وذكر محاسنه فإنه يعتبر قد أغرى الناس بهذا الشخص وزكاه سلسل حق الشيخ النجمي رحمه الله يموت أن ست قاعدة لباطلة tu critiques la personne, tout bas, t'es obligé de citer ses hasanat, ses bonnes œuvres, ses qualités, son bon comportement. Cheikh Najmi, rahimahullah, il te montre qu'en fait, t'as trompé la personne. Mais en fait, la personne, tu dois le conseiller, lui montrer le danger. T'es en train de le trahir. Et c'est une cause que lui, il va aller prendre de cette personne. Il va prendre le ilm peut-être de cette personne, de cet égaré. Celui qui cite Al-Hasanat et il conditionne, c'est obligatoire de citer Al-Hasanat en parallèle du Rab, il a zeki la personne. Il est en train de conseiller de prendre de cette personne. Sha'a am aba. C'est comme si cette personne qui cite les hasanat en parallèle des sayyiat, c'est comme si il disait je le critique mais je me trompe, ou je le critique mais ne m'écoute pas. Il a fait ça combien? C'est exactement ça. Et c'est exactement ce qui arrive. C'est exactement ce qui arrive avec Ahl al-Dhalal, avec cette qaïda. Et comme on a dit, cette qaïda c'est une himaya li Ahl al-Bida' wal-Inhiraf. Ils l'ont mis pour bloquer, pour stopper Jarh Ahl al-Haq et pour préserver leur guide, leur mashaykh Ahl al-Bida'. Hada. قال الشيخ صالح على فن الفتوى قال وهذا فساد وليس بإصلاح صحيح والمؤمن إلى مأمور بالإصلاح إلى مأمور بفعل الخير إلى مأمور بالاستقامة أما صدق عيد الأنس إصلاح فساد سبب إصلاح لأن الناس يغترون بأهل البدع ثم ينحرفون أسكو سد إصلاح هذا سفساد على فساد في الحقيقة سكومونس على الكل عند الكفار. Et dans le kuffar, ça commence à l'école. Les premières choses qu'ils t'apprennent, c'est liberté, égalité, fraternité. T'es libre, fais ce que tu veux. Égalité, ne le critique pas. Dis pas c'est un kadar. T'es comme lui. Fraternité, vous êtes des frères. C'est pas un moubtadi, c'est pas un kafir, c'est rien. Ça commence à dans le kuffar. Et Ahlul Bida', ils ont rajouté. Allez, là, tu vois l'état de la umma. L'état de la umma, katir, mais les nas, ils sont fidaya'a wa jah. Wa l'ayyadu billah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, ayyadi, dhullal al muslimin. Hadi al qa'ida li khatira. Dit-on, هذه القاعدة, ils l'ont instauré أهل البدع pour combattre المنهج السلفي, pour combattre ردود أهل الحق. Ils l'ont instauré pour affaiblir علماء السنة. لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. مع تحية دماج افاق.com.